Exhibition. chante-moi une chanson. J'ai avalé deux, trois maxitons, puis j'ai bousillé satisfaction, consternation. Je suis mal dans ma peau, un chanteur très beau. And I just go with my pince à vélo. Je suis bidon. Je suis bidon. Je suis qu'un mec à frime, bourré d'aspirine. And I just go with my pince à vélo. Je suis bidon. Je suis bidon. J'habite chez ma grand-mère, derrière le garde arrière. And I just go with my pince à vélo. Je suis bidon. La météo sur Radio Bonheur pour demain, mardi 3 octobre. Demain mardi, le ciel sera variable avec alternance de larges éclaircies et de passages nuageux. Le vent de secteur nord soufflera modérément de 20 à 30 km/h. Les températures, demain matin à 8h sous abri, 12 à Guingamp, Quintin et Saint-Guénot, 13 à Lannion et à Lézardrieux, 13 à Étables-sur-Mer, Saint-Brieuc et Erquy, 13 à Jugon-les-Lacs et à Dinan, 13 à Dinard, à Saint-Jean-des-Guérets et à Entrain. Demain après-midi, il fera entre 14 et 16 degrés, 14 à Belle-Île-en-Terre, à Bourbriac et à Corlay, 15 à Lannion, à Paimpol, Plérin, Lamballe et Uzel, 16 à Planquette et à Ploubalais, 16 à Saint-Malo, Cancale et Rolandrieux. Be the first to say goodbye. 100% pur beurre, c'est Radio Bonheur. La tendresse, c'est quelquefois ne plus s'aimer, mais être heureux de se trouver à nouveau deux. C'est refaire pour quelques instants un monde en bleu, avec le cœur au bord des yeux. La tendresse, la tendresse, c'est quand on peut se pardonner sans réfléchir, sans un regret, sans rien se dire. C'est quand on peut se séparer sans se maudire, sans rien casser, sans rien détruire. La tendresse, c'est un geste, un mot, un sourire, quand on oublie que tous les deux on a grandi. C'est quand je veux te dire je t'aime et que j'oublie qu'un jour ou l'autre l'amour finit.

Vous êtes à l'écoute de Radio Bonheur, il est 18h. retrouver quelques images des premiers jours de notre histoire. Le temps n'avait pas encore creusé nos visages et on avait le monde à voir. Premier été, premier enfant, premier Noël, souvenir d'or. On était bien loin du tout premier cheveu. Just how it feels when you're magnette, on va tous faire la fête. Tous les branchés du passe-doble pour faire voler les robes, c'est le grand carnaval. Ce soir, on va au bal musette. Pour toute la nuit, les cavalières sont prêtes. Les filles et les garçons aiment l'accordéon. On aura tous la tête dans les étoiles. C'est Jérôme Robert, je suis content de vous retrouver sur Radio Bonheur pour vous présenter mon nouvel album, le Baléo. Ma bodega, à moi, c'est comme un parfum corrida. Autour de toi, le monde, il est content. Accroche un cœur à ta guitare, je reviendrai dans la casa de Louisa. là-bas. Le ciel est gris, mais il fait beau. C'est la danse des roses qui vit maintenant. Dans la chaleur de l'Hispane, avec un verre de Porto, au Brigado le Baléo. Le dernier CD de Jérôme Robert est disponible à la boutique Radio Bonheur en face du centre commercial Leclerc dans le bourg de Pléneuf à Pléneuf-Val-André ou en commandant par téléphone au 02 96 63 00 63. Le dernier CD de Jérôme Robert est vendu 20 euros. Adieu Angelina, les cloches de la couronne. Je les entends qui sonnent. Et je me dépêche, je dois les rattraper. Adieu, Angelina, le ciel est en feu et je m'en vais. Ce n'est pas la peine d'en faire une affaire. D'ameuter toute la terre. C'est une table vide sur le bord de la mer. Adieu, Angelina, le ciel a tremblé. Je dois m'en aller. Les rois et les reines quittent la basse-cour. Entrer à la cour. Dans la salle du Touba, rien ne va plus pour moi. Adieu, Angelina, le ciel s'écroule, je te verrai plus tard. Regarde ces pirates dans la voile lactée. Sur des boîtes avec un canoncier. Les voisins applaudissent, poussent des cris de joie. Adieu, Angelina, le ciel se décolore, je dois me sauver. King Kong et les elfes vont danser sur les toits. Tandis que de leurs doigts, des maquilleurs s'escriment à fermer les yeux de la mort. Adieu, Angelina, le ciel est trop sombre, je dois m'échapper. Les mitrailleuses crépitent, les poupées mobilisent. Éclate dans les églises. Appelle-moi comme tu veux, je ne discute pas. Mais adieu, Angelina, le ciel se déchaîne, je vais chercher la paix. Les 50 plus belles chansons de Maddy Rudaz ont pour la première fois été regroupées dans un coffret 3 CD. Les 50 plus belles chansons de Maddy Rudaz sont disponibles à la boutique Radio Bonheur pour 35 euros le coffret 3 CD ou commandez directement par téléphone au 02 96 63 00 63. Sur midi, à ce moment très précis. m'as dit je vais partir. Et puis tu es parti, j'ai cherché le repos. J'ai vécu comme un robot, mais aucune autre n'est venue remonter ma vie. Là où tu vas, tu entendras, j'en suis sûr, dans d'autres voix qui rassurent. Mes mots d'amour, tu te prendras au jeu des passions qu'on jure. Mais tu verras d'aventure le grand amour. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient. Ça se retient comme une chanson populaire. L'amour c'est comme un refrain, ça vous glisse entre les mains. Ça se chante et ça se danse et ça revient. Ça se retient comme une chanson populaire. Ça vous fait un cœur tout neuf, ça vous accroche des ailes blanches dans le dos. Ça vous fait marcher sur des nuages et ça vous poursuit en un mot. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient. Ça se retient comme une chanson populaire. Moi, amoureux, autant ne plus y penser. On s'était plus à y croire, mais c'est déjà une vieille histoire. Ta vie n'est plus ma vie, je promène ma souffrance de notre chambre au salon. Je vais, je viens, je tourne en rond dans mon silence. Je crois entendre ta voix tout comme un murmure qui me disait je t'assure. Le grand amour sorti à temps viendra pour toi, j'en suis sûr. Il guérira tes blessures. Le grand amour, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient. Ça se retient comme une chanson populaire. L'amour c'est comme un refrain, ça vous glisse entre les mains. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. Ça vous fait un cœur tout neuf, ça vous accroche des ailes blanches dans le dos. Ça vous fait marcher sur des nuages et ça vous poursuit en amour. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. L'amour c'est comme un refrain. Ça entre les mains, ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. Ça vous fait un cœur tout neuf, ça vous accroche des ailes blanches dans le dos. Ça vous fait marcher sur des nuages et ça vous poursuit en amour. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient. Votre horoscope aujourd'hui sur Radio Bonheur. L'horoscope. C'est dimanche, nous sommes le 29 décembre. On commence l'horoscope par vous les Capricornes. C'est votre mois anniversaire et un dimanche propice pour vous faire de nouveaux amis ou revoir les anciens. Verseau, seul ou engagé, de belles émotions amoureuses vous attendent. Les Poissons, préparez-vous à vivre cette fin d'année sous pression. Pour vous les Béliers, toutes les expériences nouvelles vous tenteront. À vous de choisir les bonnes. Les Taureaux, quelle ténacité hein. Ce que vous voulez, vous l'obtiendrez coûte que coûte. Gémeaux, rude fin d'année côté travail avec des recadrages ou des ruptures possibles. Cancer, en froid avec votre chérie, hein, profitez des fêtes hein, pour tenter une réconciliation. Lion, en amour, ne gâchez pas tout avec des reproches trop fréquents. Vierge, c'est une bonne journée pour activer vos réseaux ou nouer des contacts utiles. Balance, dans votre situation amoureuse, il va y avoir du changement dans votre vie. Scorpion, côté activité, quelque chose d'important se mettra en place. Et puis vous les Sagittaires, une négociation à mener. Qu'on se le dise, vous ne lâcherez rien aujourd'hui. Bonne journée à tous. Tendant ses bras troublants vers sa main, mon chéri. Ma symphonie,

première fois à la boutique Radio Bonheur, découvrez les doudounes chaudes, douces et moelleuses avec le logo Radio Bonheur brodé côté cœur. Les doudounes sans manches sont vendues 35 euros et les doudounes avec manches 39 euros. Avec ou sans manches, les doudounes Radio Bonheur sont utiles et pratiques en toute saison. Pour obtenir votre doudoune Radio Bonheur, rendez-vous à la boutique Radio Bonheur à Pléneuf-Val-André, en face du centre commercial Leclerc à Pléneuf, ou commandez par téléphone au 02 96 63 00 63. Les Radio Bonheur est solide, mais il est tout léger car il est en mousse. Il est drôlement beau, le porte-clés Radio Bonheur, disponible pour 2 euros à la boutique Radio Bonheur ou en commandant par téléphone au 02 96 63 00 63. La vie, la vie, la vie. fais ma place, tu fais ta place, chacun de son côté. Je veux te plaire, tu veux me plaire, de nos 20 ans à nos poussières, c'est la prière, l'unique vérité. La vie, la vie, la vie, si pas le soir la vie c'est une tombola, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, si moi je sois la vie c'est un joli combat. La vie, la vie, la vie, la vie, si pas le soir la vie c'est une corrida, mais la vie, la vie, la vie, la vie, si moi je sois la vie c'est du bon cinéma. Oh la vie. Fidèle chaque jour pour la musique, l'info, la proximité. Tout cela n'est pas prêt de changer. En revanche, ce qui change, c'est la technologie pour nous écouter. Désormais, nous vous retrouvons aussi en DAB+. Le DAB+, c'est la radio qui fait sa révolution numérique avec une qualité optimale et des services nouveaux. Passez au DAB+ et appréciez les avantages de la radio numérique gratuite car sans abonnement. Alors n'attendez plus, un poste DAB+, en voilà une belle idée de cadeau. J'aime ma radio en FM, je vais adorer l'écouter en DAB+. Bah mon Robert, te v'la rouge écrevisse. Oh m'en parle pas, ça tape fort en Bretagne. Le parasol Radio Bonheur et sa housse sont vendus 19 euros à la boutique Radio Bonheur ou en commandant par téléphone au 02 96 63 00 60.